Bonjour, 1, 2, 3, voilà une réponse rapide à Div. Donc, comme je l'ai écrit sur les forums, il y aura 7 thèmes. Pamplemousse, colline, Mallory, dissidence, forme, stylistique, bonnes intentions d'une chanson, Div sur la tombe de Coste, et la transe musicale. Alors, Pamplemousse, c'est parce que dans la chanson de Div, on entend Pamplemousse. Dieudonné a remis cette insulte raciale comique à la mode. Dieudonné qui... contre la loi Guesso, veut qu'on puisse dire que c'est le fils d'un être humain de couleur blanche et d'un singe, d'un animal de couleur noire. Parce que tous les noirs sont animaux, il veut qu'on puisse le dire. Or, ceux qui le font sont encore ceux qui appliquent cet outrage à la vie, sont encore actifs. Et le seront plus encore si la loi Guesso et d'autres lois n'interviennent pas ponctuellement. Alors les lois, en effet, universelles sont plus importantes. Pamplemousse, donc, ça veut dire que les Asiatiques ont des têtes de pamplemousse. Les visualiser ainsi, tout un peuple fait rire, en effet. Ah, vous avez tous une tête de pamplemousse. C'est donc une insulte physique, discriminante, à caractère racial. Voilà. On peut en rire, j'en ris moi-même, parce que c'est amusant très rapidement, et ensuite, si ce n'est pas fait avec finesse, ça dessert la personne qui le dit, et on s'embellit par justement le calme. Donc je suis un Asiatique, et donc Div dit dès le début de la chanson que je suis un pamplemousse. On viendra très vite à la dissidence forme stylistique et les bonnes intentions d'une chanson. Deuxièmement, il parle de colline, j'ai pas trop entendu, mais il montre par là, et le subconscient et l'inconscient est capital, il montre par là qu'il, et il ne le dit absolument pas, c'est au second degré, mais le second degré est pervers. Il montre par là que il me connaît, il me fiche, il me voit, il voit les profils, il fait son enquête. Il ne le dit pas dans la chanson, ça ne me sert à rien, et pour lui-même, c'est malsain. Troisièmement, il me parle de Mallory. Il faut savoir qu'il a fait une vidéo, un clip, une de ses chansons avec une très belle femme, et je lui demandais qui était cette femme depuis 2 semaines. Et lui, comme il quémande ma personne tout en la niant dans un esprit malsain, il ne me dit pas qui c'est. Et donc, il veut me faire vivre cette ambiance de merde. Alors qu'il m'aurait dit qui c'est, ben voilà, je sais qui c'est, et moi-même, j'aurais été face à ma faim curieuse, toute illogique. Mais il est plus fort dans l'illogisme, plus fou, plus bête, hélas, plus insensé. Et donc là, il me dit que c'est Mallory dans le texte. Je demandais des mails depuis une semaine. Là, il dit, ah, enfin, hurlant de nouveau sur le forum, Mallory, il la vend comme une pute, etc. Comme s'il n'avait pas de caractère. J'essaye de faire vite. Sois toi-même, tu es intéressant. C'est pas les femmes que tu vas me, ou tu vas me donner leur nom qui m'intéresse dans ton individu. Alors quatrièmement, la dissidence et la forme de stylistique. Je suis toujours extrêmement dur, acide, et dans mes chansons, ça se décuple. J'ai dit par exemple à Gaston Cuisera des insultes sans nom, mais dans la chanson, je lui ai appris que chez les femmes, il y avait une bestialité similaire à celle des hommes, et que donc on pouvait baiser librement. La Gaston Cuisera. Des gens dans le sud de la France, lorsqu'il fume 20 joints de weed très très forte, pour bien planer et bien se marrer, me demande l'URL de cette chanson. J'ai dit, par exemple, à Casimir Kubler qu'il avait une grosse bite, c'était pour dire, d'une manière artistique et extrêmement naïve, qu'il avait un gros cerveau qui devait déculpabiliser par rapport au monde diplomatique et donc très institutionnel, élitiste, dans lequel son père est, pour lui-même se plonger dans ce monde quasi magique et intemporel qu'est l'art, et abreuver ses préfets, ses grands hommes de l'État, de son art, afin que eux puissent dire à un moment donné qu'ils sont cultivés, sensibles, grâce à la lecture de ses écrits. Et à la compréhension de ces écrits, là, ça devient des maîtres, et à la capacité de le redire de manière jolie, on est au sommet. Ensuite, forme stylistique, j'ai dit à Duc de Trèfle dans un rap des insultes sans nom pendant 5 minutes, même les KRA du 93 étaient choqués. J'ai fait ça parce que, pour une raison un peu imprécise et stratégique à d'autres niveaux, mais surtout, j'ai dit cela au moment où il draguait ma copine. Et je lui disais, avec la plus grande des forces, on interdit la chose. Et on offre à un ennemi les mêmes violences. Ah, mon chat veut rentrer, j'arrive. Dans un cas similaire. Alors on passe. Donc la dissidence est une forme stylistique. Ce n'est pas insulter pour insulter. Il y a au moins toujours un bon fond à rajouter, afin que justement ce cri vulgaire se transforme en un style. Alors 5, bonne intention d'une chanson. En quoi la chanson de Div m'offre quelque chose? En rien. Pourquoi? Parce que sur un forum très mou, reconnaissons-le, hein, il n'y a pas les grands noms qui sont venus parce que justement il n'y a pas les grands textes et l'alphabet est un aimant surpuissant, je me fais un buzz en même temps. Tout peut venir. Même sur une page, un mail, sur n'importe quoi, tout peut venir quand l'intelligence est là. Bonnes intentions d'une chanson. Une chanson, évidemment, doit toujours être une bonne intention et pas une sorte de cri névrotique dans un vide de paroles, afin de dire qu'on existe et qu'on papote et qu'on vivote. D'ailleurs, ne rien avoir à dire. Déjà, cette folie implique la deuxième folie, celle du hurlement, pour combler, par l'extrême. D'où les sons hyper saturés de Div au début. Vous l'avez délaissé dans un sens et il a dû hurler des mots vides sans pouvoir exister lui-même parce que vous ne savez pas exister dans les commentaires, vous existez dans les textes à travers ce que Nietzsche déjà disait il y a des dizaines d'années, la satisfaction d'être adulé par des autres et avoir l'impression. C'est horrible. Ça a été dit il y a 100 ans. Assumons-le et d'entrée de jeu, si nous sommes tombés dans ce piège dans notre enfance, entrons dans l'intelligence et dans l'âge adulte, et pensons très vite que les commentaires, ce sera des vraies réflexions, des vraies pensées, et pas des congratulations, mais surtout, avant tout, que l'écriture et le fait de poster ne sera pas une attente de congratulations, mais plus une véritable expérience de vie surpuissante, parce que les autres offrent cela. D'élaboration mutuelle on peut le faire avec des Japonais, des New-Yorkais francophones aujourd'hui, maintenant, avec des milliards d'individus, avec des scripts informatiques qui permettent d'évaluer tout ça et que la personne au résultat puisse avoir des résultats. Enfin bon. J'ai très bonne beurre en ce moment. Mais pas que ça. Alors, de la mauvaise beurre aussi. On a fait les bonnes intentions d'une chanson, les bonnes intentions d'une chanson, et surtout, hein, puisqu'on en est là, et je vérifie si c'est pas dans le 7. Voilà, c'est dans le 7. Donc les bonnes intentions d'une chanson sont extrêmement importantes. Div, là, nous fait une sorte de hey, je t'interpelle, je t'alpague, je sais pas trop quoi, là, je te. Il y a un mot, vous voyez, pour dire je t'interpelle, mais de manière. Vocal, audio. Alors donc il m'interpelle, je suis pas dans l'adulation. Bon déjà c'est déjà bien qu'il chante mon nom comme une muse, même si c'est sous-entendu, je préfère pas. Et toutes les phrases, tous les mots sont une sorte d'inconscient qui ne sait pas ce qu'il veut lui-même et qui bugle et qui chante dans le vide. Par contre, là, il a fait un travail par rapport au son, c'est pas trop saturé, c'est pas trop haut, parce qu'il a vu que le truc furé karaoké était vraiment trop en valeur. Et il a fait un travail un peu mieux que d'habitude au niveau technique, ce qui est à la portée d'un adolescent de quatrième technologique. Alors faisons-le et réveillons-nous, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai fini dans les bonnes intentions d'une chanson? Voilà, je suis acide, mais au moins je l'élabore. Et dans une chanson, c'est encore plus subtil, parce qu'il faut l'élaborer au second degré. Là, je fais tout au premier degré. Div sur la tombe de Coste. Eh oui, Div est présent, au moins il existe, il n'était pas là. Non, je dois plutôt lui reconnaître le fait d'avoir dit quelque chose, de parler, de s'exprimer. Et d'être présent dans une. Il a quand même 3 mois de retard par rapport à mon bonjour. Autiste. 3 mois de retard et une qualité extrêmement inférieure, mais au moins il existe et c'est le seul parce que d'autres sont extrêmement présents, Castle Vaquette, beaucoup d'autres, mieux plus connus. La transe musicale, alors il sort sa guitare, et il joue, et il rentre en transe, et chaque note crée do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, fa, sol, fa, correspond à ce qu'un être humain dans la grande horloge cosmique universelle fait en ce moment, ressent en ce moment, dit en ce moment. Et donc on a ces notes, on a quelqu'un qui vit beaucoup plus. Il peut instrumentaliser la chose et la rendre électronique, la passer dans des logiciels, etc. Mais au moins, il aura vécu cette transe, et cette transe, il la décuple par le logiciel sans jamais l'ôter. Et donc, cette transe, elle est quasi obligatoire parce que il suffit de frapper les mains sur la table pour entrer en transe au bout d'un certain temps par l'acte quotidien et le désir d'exultation positive, un télo émotionnel, disons plutôt héroïque, dans la galaxie, un truc héroïque. Donc, ta ta ta ta ta ta ta taper sur la table, écouter, attendre 1 minute, lancer le son, etc. Créer du coup à chaque fois avec un plutôt que lancer ces trucs. Je sais pas s'il fait les musiques, c'est la grande question. Voilà, ça fait 3 mois que je lui demande la question, il est incapable de répondre, il a de grands problèmes de communication. Et pas parce que nous ne l'intéressons pas, donc c'est déjà bien, mais parce que lui-même ne sait pas être. Les chansons ne parlent pas de lui, il copie-colle des textes, il essaye même sa propre pensée, du coup tout comme ça est frelaté. Voilà. Et c'est pas un problème de technique, de micro, d'instrument, même c'est un problème de moteur individuel. La transe musicale, c'est une sorte de transe quotidienne. Voilà, j'allume mon buzz. Je vérifie pendant que la table a été heurtée par l'étincelle. C'est une vieille table qui appartenait à des gens très bien. Alors, Dives, Pamplemousse, moins 20, Colline, moins 1, parce que, quitte à entendre le nom de mon amoureuse, tu aurais pu m'offrir quelque chose de plaisant plutôt que d'essayer de vivre par l'insulte sans second degré positif. Mallory, mystère, mais je te laisse le mystère, je veux même pas savoir en fait. Pourquoi savoir dans un jeu pervers, là où soi-même on est à remettre en question la dissidence, quatre distances, forme, stylistique. Évidemment, parce que la dissidence, finalement, quand on l'analyse à travers les grands écrits de George Steiner, excellent théoricien, excellent sage, par les applications de Attali, qui aujourd'hui, hein, pendant que vous le critiquez, est en train de nourrir des millions et des millions de familles, toutes du tiers-monde, dans la misère absolue, dans les embellissements de Dostoïevski, Hitchcock, etc. L'art dissident, vous prenez Hitchcock et le plus grand artiste underground du siècle. Vous les mettez sur une île déserte à la même époque, d'accord? Il y a une femme. 100 ans après, le dissident aura baisé la femme, tatati, tatata, aura chanté, aura fait chier tout le monde, etc., les cocotiers. Et au bout de 100 ans, Hitchcock, lui, aura filmé cette femme de manière magnifique, si bien que 200, 2000, 40 000 ans après, on pourra regarder cette femme dans son état le plus beau. La dissidence a ses limites. L'art classique la dépasse. L'art classique doit s'abreuver du discours, parfois, ponctuellement, de l'art dissident, mais l'art dissident n'est pas un tout. Ouais. Bah, je voudrais bien en manger après. Les bonnes intentions d'une chanson, c'est capital, c'est ce qui fait de nous des gens gentils. Au mieux, dans la voie où Coste, dans la voie où Dives se dirige, il sera une excellente Lara Fabian. Une sorte de brand new, nouveau concept, du con, quoi. On vend du dépressif dans le gros truc pro de la merde. Alors autant qu'il passe dans le Custorica, Custorica, quoi. Bonnes intentions. Dive sur la tombe de Coast continue, mais t'as du retard. T'as du retard, je suis désolé, t'as pas le niveau, mais t'es peut-être un peu plus réveillé, mais tu sais, c'est simple, hein, je change d'URL de forum, et puis je vais chez les forts. Et je les défonce pas, je les fais rire au moins. Et je rigole avec eux aussi, tu vois. Mais bon, il y a des gens que je connais ici, à toi, que je connais aussi, il faut. Plus il y a plus de dire avec le temps de retard. La transe musicale, ben, puisqu'on parle de musique, faire des notes. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Voilà, un peu de notes. Il faut savoir que pendant que j'ai chanté tout ça, il y avait une harmonique qui m'a dépassé immédiatement, qui a été créée. C'est quasi magique. En tout cas, incompris, et ça nous dépasse alors qu'on pourrait savoir chanter à la perfection dès la naissance, dès l'enfance. Et aussi de la technicité, accélération, rythme, respiration, mise en péril par le manque de respiration afin de continuer à chanter, etc. La transe musicale, ça, on prend une guitare, on arrête les instrumentaux bourrins. On repasse un peu dans le. Ou alors on rentre carrément dans le style, mais on l'élabore plus, on fait vraiment du bon taf, quoi. C'est pas en faisant 100 000 titres vite crachés qu'un jour on saura faire un titre hyper condensé avec une vraie réflexion sur chaque micro millième de seconde qui se déroule en disant voilà, j'écoute les 3 premières secondes. De quoi j'ai besoin maintenant qu'il y a le silence qui s'installe. J'ai besoin du silence pour pouvoir poser la note parfaite. Pam, la note se pose. On revient, on réécoute sur pam, tam, on continue, paf. Là on dit, bon, bah, c'est un peu cheap, j'ai juste 3 instruments en fait, c'était l'intro. Du coup, on retravaille bien l'intro avec un petit vibrato. Bling. Et pendant le bling, tam, tam, tam, et là, on attend. On passe, on laisse le silence poser. On se dit de quoi j'ai besoin. C'est pas de quoi j'ai besoin, c'est qu'est-ce qui naît. J'avais besoin de créer, j'ai posé des notes et maintenant ces notes ont une règle qui me dépasse et je dois vraiment être le plus sensible et le plus intelligent possible pour poser la suite de ce truc, de cette première rature sur la feuille vierge qui soudain est souillée, pas par les mots qui seront posés, mais par le désir. Si on n'a pas analysé le désir avant, vous voyez, presque avant de remplir la feuille, il faut avoir pensé à tout. Qui la recevra? Qu'est-ce qu'on dira? Quelles seront les formes de chaque lettre? Quelle sera la puissance du texte et de ce qu'il dit? Et aussi, à quoi il sert, à l'instant T, au moment où on l'écrit, au moment où la personne le recevra et tout au long de la vie de la personne. Vous écrivez une lettre d'amour, si c'est la plus belle, même si c'est une erreur de l'avoir écrite à cette personne, parce que l'autre sera mieux, ou que l'autre était l'éternel. Eh bien, quand même, vous écrivez la plus belle lettre d'amour. La personne, au fin fond du Wisconsin, dans un foyer pourri avec des enfants complètement tarés, saura qu'un jour dans sa vie, on lui a offert une très belle lettre d'amour. La plus belle, même écrite par l'humanité, parce qu'elle était vraie. D'un bon niveau, dirons-nous. Donc, par contre, je parlais de la transe musicale. C'est une science, on ne fait pas de la musique comme ça. Et donc parlons de cette science, au lieu de dire je suis meilleur artiste que toi, c'est vraiment nul et dégueulasse, et le fait de me faire plonger dans ces trucs d'attarder montre ton incapacité totale à communiquer de manière adulte, du coup à créer des chansons avec un texte extrêmement confus et sans fondement, sans fond, sans profondeur, sans intensité gentille. Sans que ma copine et moi soyons en train de l'entendre en boucle, la boucle était permise par la transe musicale justement, fait qu'on réécoute et qu'on réécoute, fait que Mallory devienne une sorte de chantage, jeton, putasse, qu'on jette comme un proxénète à la tête d'un gueux. Non, je ne suis pas un gueux, je demandais une question, qui c'est la fille, j'ai demandé plusieurs fois, non pas pour savoir, mais pour te mettre face à une réalité, pourquoi ne le dis-tu pas? Tu ne le dis pas parce que tu essayes de me happer dans un jeu malsain. Non, merci. La dissidence, forme stylistique. Évidemment, parce que c'est dépassable. Les bonnes intentions d'une chanson, parce qu'on vit de ça, le cœur bat. Espérons que chaque pulsion de cœur soit une sorte de petit élan joyeux de chair. Bam bam. Et pas une sorte de je vous encule, je vous encule. Je vous encule, je veux vivre. Forme de merde, j'essaie de vivre. Allez, on se réveille, je fais de la musique de merde. Etc. Non. Je vous aime en avance. On a dit, on a fait. Victorieux, il nous chante. Nous voilà réunis dans quelque chose de si logique. Etc. On en pleurait, en fait. Et Coste, Vaquette, je ne cite pas les noms parce que les autres, je les connais par intermédiaire, comme des proches. Donc, je ne peux pas dire les autres noms, mais extrêmement décevant. Hein, ça veut dire que même à un niveau supérieur, on devient inhumain, inhumanisé, insensible, bête. Non, et du coup, c'est que le travail de promotion où on arrive à réunir tout un lot d'esclaves publics complètement abrutis, qu'on devient quelque chose. Non, il faut traverser le truc. Paf! J'espère le faire un jour, mais je m'y attelle sans cesse. Et la transe musicale, merci la musique. D'ailleurs, j'ai de la chance parce que c'est un des cinq ou dans un des cinq ou dans un des sept de George Steiner. Yeah!